بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue aux très chers frères et sœurs. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière واليوم نستمر في الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب التشهد. Et aujourd'hui on continue l'explication du premier hadith qu'a cité l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le sous-chapitre lié au tashahhud. وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. Et nous Mas'ud radiallahu anhu qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné le tashahhud comme il m'enseignait une sourate du Coran. Ma main était entre ses deux mains. At-tahiyyatu lillah wa salawat wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Les salutations reviennent à Allah ainsi que les prières et les bonnes actions. Que la paix soit sur nous ainsi que sur le prophète ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Que la paix soit sur nous et aussi aux serviteurs d'Allah, les pieux. Et j'atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Wa fi lafzin idha qa'ada ahadukum fi ssalati falyakul at-tahiyyatu lillah wa dhakara. Et dans une autre narration, il est cité: si l'un d'entre vous, lorsque l'un d'entre vous s'assied durant la prière, alors qu'ils disent At-tahiyyatu lillah, puis il a cité le reste du hadith, l'invocation. Wa fihi, فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. Et dans cette narration, il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: car certes, si vous faites cela, vous aurez salué. Vous aurez passé le salam à tous les serviteurs pieux qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il est aussi cité dans cette narration: alors qu'il choisisse l'invocation qu'il veut. Fi hadha al-hadith wa hadha al-du'a alladhi sami'tumuh khataru tarki as-salat. Il y a dans ce hadith et dans cette invocation que vous avez entendue, il y a le danger quant au fait de délaisser la prière. لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي التَّشَهُّدِ يَدْعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالسَّلَامِ وَالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ وَكَذَلِكَ يَدْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. Car certes, celui qui prie durant le tashahhud, il va invoquer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il invoque en demandant pour lui la paix ainsi que la miséricorde et la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de la même façon, il va aussi invoquer pour les serviteurs d'Allah, les pieux. Wa man taraka as-salat ترك هذا الدعاء العظيم النافع للمسلمين. Et celui qui va délaisser la prière, il va délaisser cette invocation grandiose qui est si profitable pour les musulmans. وهذا تقصير شديد فيما يتعلق بأمر ينفع المسلمين. Et ceci est une très grande négligence concernant un point qui est lié, donc concernant un sujet qui est lié à ce qui est profitable à toute la communauté, qui est profitable aux musulmans. Et là, Taraoun, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, فإذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. Ne voyez-vous pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce même hadith? Lorsqu'il dit, si vous faites cela, alors vous aurez passé le salam à tous les serviteurs pieux qu'il y a dans les cieux et la terre. إذن تارك الصلاة يضر نفسه بوقوعه في الكفر. Et donc celui qui délaisse la prière, il se fait du tort à lui-même. Par le fait qu'il tombe, il se fait lui-même tomber dans la mécréance. ويضر غيره لكون بعض الضعفاء قد يتساهلون في الصلاة بسببه. Et il va faire du tort à autres par le fait que certaines personnes faibles vont peut-être être négligents dans leur prière à cause de lui. Le fait de voir cette personne qui est comme ça, qui a délaissé la prière, d'autres vont peut-être, des faibles vont peut-être aussi petit à petit la délaisser. Il aura donc fait injustice à sa propre personne et aux autres. وَيَضُرُّ غَيْرَهُ لِتَرْكِهِ هَذَا الدُّعَى الْعَظِيمِ. Et il va faire du tort à autrui par le fait qu'il va délaisser cette invocation grandiose et importante. Fala ta'jab ya Abdallah. Min intishari al-dhunubi wal-ma'asi. Alors ne sois pas choqué, ô serviteur d'Allah, par la grande propagation des péchés. Ne sois pas choqué. Fa innahu kathura tariki salat. Car ceux qui ont tarikou salat, car certes ceux qui ont délaissé la prière sont nombreux. Ceux qui ont délaissé la prière sont nombreux. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa fil hadith mas'alatun ikhtalafa fiha al-ulama. Il y a dans ce hadith un sujet dont les savants ont divergé. Et c'est ce sujet qu'on va aborder jusqu'à la fin du cours de ce soir. Inch'Allah Ta'ala. هذه المسألة هي حكم التشهد. Ce sujet, c'est le jugement du tashahhud. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas? فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن التشهد الأخير ركن واختلفا في التشهد الأول فقال الشافعي بأنه سنة وأحمد أنه واجب وقال بعض العلماء بعدم التفريق بين المذهبين وَأَنَّهُمَا يَرَيَانَ التَّشَهُدَ الْأَوَّلَ وَاجِبًا. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il voit que le tashahhud, l'imam al-Shafi'i ainsi que l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils voient tous les deux que le dernier tashahhud est un pilier de la prière. Ils voient tous les deux que le dernier tashahhud est un pilier de la prière. Cependant, ces deux savants, ces deux imams, ont divergé concernant le premier tashahhud. Donc le dernier, ils voient que c'est un pilier. Le dernier tashahhud, c'est un pilier, mais le premier, ils ont divergé. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il voit que le premier tashahhud dans la salat est sunnah. Il voit que le premier tashahhud dans la salat est sunnah. L'imam Ahmed, rahimahullah, il voit que le premier tashahhud est obligatoire. Le premier est obligatoire. Certains savants, ils disent non. Ils disent qu'il n'y a pas de différence entre le madhhab de l'imam al-Shafi'i et le madhhab de l'imam Ahmed dans ce sujet-là. Les deux, ils voient que le premier tashahhud est une obligation. Cependant, ceux qui ont différencié, ils ont divergé dans la citation des termes. Des termes, la terminologie. Mais au final, ils veulent tous les deux dire la même chose. C'est-à-dire que le tashahhud, le premier tashahhud est obligatoire. أما المالكية والأحناف فذهبوا إلى أن التشهد سنة. En ce qui concerne les savants de l'école malikite et les savants de l'école hanafite, ils voient que le tashahhud est sunna. Ils voient que le tashahhud est sunna de façon générale, le premier et le dernier tashahhud. قالوا بعدم وجود دليل على الوجوب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التشهد في حديث المسيء صلاته وقد كان في مقام التعليم فعدم ذكره له دليل على عدم وجوبه. Et donc المالكية والأحناف ils disent qu'il n'y a pas de preuve qui montre que le tashahhud est obligatoire. Cet avis, c'est le choix de Cheikhuna Cheikh Arafat al-Muhammadi Hafizahullah Ta'ala. C'est cet avis qu'il a cité dans son explication de Umdat al-Ahkam et cet avis qu'il a cité aussi dans d'autres cours qu'on avait vu avec lui. Et donc, il voit que le tashahhud est une sunna, que ce n'est pas obligatoire. Quelles sont les preuves? Ils disent il n'y a pas de preuve justement qui montre que c'est obligatoire. Et aussi, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné à celui qui faisait mal la prière, il ne lui a pas enseigné le tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui faisait mal sa prière. Et ensuite, il lui a dit, lorsque tu pries, alors fais comme ça, comme ça, comme ça. Il lui a décrit la prière. Il ne lui a pas cité le tashahhud. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il y a un moment où il enseigne. Il enseigne, c'est le moment de montrer comment aller la prière. Et donc, s'il n'a pas cité quelque chose, c'est que cette chose n'est pas obligatoire. On avait déjà cité cette argumentation pour d'autres sujets. On avait déjà cité cette argumentation pour d'autres sujets. فَقَدْ قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. On avait dit qu'il n'est pas correct d'utiliser le hadith de celui qui faisait mal sa prière pour dire qu'un des actes de la prière n'est pas obligatoire. Il n'est pas correct de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ça à cet homme. هذا لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كل الواجبات في هذا الحديث. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il n'a pas cité toutes les obligations. Il n'a pas cité toutes les obligations. لذلك الشافعية والحنابلة أبطلوا هذا الاحتجاج قائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته التشهد لم يذكره في هذا الحديث لأنه كان معروفا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النية في هذا الحديث والنية أمر مجمع عليها أو عليه. Et donc ils ont dit, rahimahumullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné à cet homme qui faisait mal la prière, il ne lui a pas cité le tashahhud, parce que le tashahhud il était connu, sinon il l'aurait cité. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité l'intention en niyya, Alors que la niya est obligatoire, il est obligatoire d'avoir la niya avant l'acte d'adoration. Et pendant l'acte d'adoration, le prophète il ne l'a pas cité. Pourquoi ? Parce que c'est connu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité toutes les obligations dans le hadith du Moussi, de celui qui faisait mal la prière. Il ne les a pas toutes citées. Et donc on ne peut pas utiliser ce hadith et dire tel acte n'est pas obligatoire parce que le prophète il l'a pas cité dans le hadith de l'homme qui faisait mal la prière. Non. Elle est où la preuve qui montre que le prophète il a cité toutes les obligations dans ce hadith? Et c'est pour ça que c'est quand même surprenant de voir que parfois certains de nos méchirs vont répliquer à cette argumentation. Dans certains sujets, ils vont répliquer à cette même argumentation par cette réplique que je viens de vous citer. Et pour ce sujet, ils vont être d'accord, ils vont citer cette argumentation parmi les preuves. Et donc, c'est pas correct. Si on a répliqué à cette argumentation dans d'autres sujets, on réplique à cette même argumentation ici aussi, c'est la même. أما القائلون بالوجوب فذكروا بعد ذلك أدلتهم. Et donc après cela, donc les savants qui voient que c'est obligatoire, ils ont cité leurs preuves. Ils ont cité leurs preuves pour montrer que le tashahhud est obligatoire. فمن أدلتهم ما أخرجه النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد قالوا هذا دليل على أن الصحابة فهموا من التشهد أنه فرض. Et donc parmi les preuves qui montrent que le tashahhud est obligatoire, il y a le hadith qu'a cité An-Nasa'i dans son Sunan selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qui dit avant que le tashahhud ne nous soit rendu obligatoire, nous disions. Et donc, on disait, avant que le tashahhud ne soit rendu obligatoire. Cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, c'est une preuve qui montre que les compagnons, ils voyaient que le tashahhud est obligatoire. « Lakin al-qa'ilina bisunniyati tashahhud raddu ala hadha al-istidlal kadhalik. » Cependant, les savants qui voient que le tashahhud n'est pas obligatoire, ils voient que le tashahhud est une sunna, ils ont eux aussi répliqué à cette argumentation, ce hadith-là. Ils ont eux aussi répliqué à cette argumentation. Donc la parole d'Ibn Mas'ud, qui dit, on disait avant que le tashahhud devienne obligatoire. Et donc ça veut dire qu'eux, ils voient que c'est obligatoire le tashahhud. Quelle est la réplique ? Quelle est la réplique des savants qui disent que le tashahhud n'est pas obligatoire ? Comment faut-il répondre à ce hadith ? قَالُوا هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَوْ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالزِّيَادَةُ لَيْسَتْ مَوْجُودَةِ. Ils nous disent ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, il est présent dans Sahihayn. Il est cité dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Sauf que ce rajout, cette parole d'Ibn Mas'ud, elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente dans Sahihayn. Quel rajout, le fait qu'ils disent, donc, on disait avant que le tashahhud soit obligatoire. Avant que le tashahhud devienne obligatoire. Cette parole-là, elle n'est pas présente dans Sahih al-Bukhari ni Sahih Muslim. فَقَالُوا هَذِهِ زِيَادَةٌ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحْ زَادَهَا إِبْنُ عُيَيْنَةُ. Et donc les savants, beaucoup de savants du hadith, ils ont dit ce rajout dans le hadith n'est pas correct, n'est pas authentique. C'est un rajout qui a été fait par Ibn Uyaynah. Il a cité le hadith et il a rajouté cela. C'est un rajout qui a été fait par Ibn Uyayna. Wa Ibn Uyayna nafsuhu aqarra bi annahu lam yasma'ha kama naqalahu al-Imam Ahmad fi al-'Ilal. Et Ibn Uyayna lui-même, il a affirmé qu'il n'a pas entendu ce rajout. Cette partie-là du hadith, il ne l'a pas entendu. Lui-même, il l'affirme. Lui-même, il l'affirme. Comme l'a cité l'imam Ahmed dans Al-Hilal. Et donc, cette ziyada-là n'est pas acceptable. Car Ibn Uyayna, c'est lui le seul qui l'a cité. C'est lui le seul parmi les narrateurs du hadith. C'est le seul qui a cité ce rajout. Et non seulement c'est le seul qui l'a cité, mais en plus de ça, lui-même, il dit qu'il ne l'a pas entendu. Donc, des narrateurs qui l'ont précédé. Et donc, cette preuve-là, il n'est pas correct de s'appuyer sur cette preuve-là pour dire que le tachahoud est obligatoire. Et donc, pour l'instant, on revient donc à la base. C'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de preuve. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve qui montre que le tachahoud est obligatoire. Tayyib, lakin al-qa'ilina bil-wujub. Dhakaru adillatan ukhra. Wa minha ma dhakaru al-mu'allif rahimahullah fi hadha al-hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله. Et donc, les savants qui voient que le tashahhud est obligatoire, ils ont cité d'autres preuves. Donc, parmi les preuves qu'ils ont citées, il y a le hadith qu'a cité l'auteur dans ce livre qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le hadith qu'on est en train de voir aujourd'hui qu'a cité l'auteur, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Lorsque vous vous asseyez durant la prière, lorsque l'un d'entre vous s'assied durant la prière alors qu'ils disent « Et-tahiyyatu lillah » et ensuite il a cité l'invocation. « Qalu hadha amrun min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » وَالْأَمْرُ يُفِيدُ الْوُجُوبِ. Ils ont dit ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ordre implique une obligation. L'ordre implique un caractère obligatoire. Que cet acte est obligatoire. Le prophète qui nous dit, faites ça, c'est obligatoire, jusqu'à preuve du contraire. Et ici le prophète, il nous dit, fel yakul. Celui qui s'assied, fel yakul. Alors qu'ils disent. Et ensuite, il a cité donc l'invocation sallallahu alayhi wa sallam. Wa kawnu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam lam yatrukuhu walaw marratan wahida yu'ayyidu dhalik. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé le tashahhud, ne serait-ce qu'une seule fois, il ne l'a pas délaissé, cela montre que le tashahhud est aussi obligatoire. Cela appuie cette argumentation. وأيضا إذا نسي التشهد الأول سجد له للسهو. Et aussi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé d'oublier le premier tashahhud. Alors qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait la prosternation de la distraction. Il a fait la prosternation de la distraction. Et donc tout cela, tous ces arguments ensemble montrent le caractère obligatoire du tashahhud. لهذا هذا القول هو الراجح إن شاء الله. Et c'est pour cela que cet avis est l'avis le plus juste إن شاء الله تعالى. أي أن التشهد الأول واجب والثاني سنة. Et donc والثاني ركن عفوا والتشهد الأخير ركن. Et donc l'avis le plus juste c'est que le premier تشهد est une obligation et que le deuxième تشهد est un pilier. Le deuxième tashahhud est un pilier. Voilà l'avis le plus juste, l'avis donc qui est attribué à l'imam Ahmed et l'imam Al-Shafi'i rahimahumullah. Et ensuite il y a dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, falyatakhayyar min ad-du'a ma sha', alors qu'il choisisse l'invocation qu'il veut. Alors qu'il choisisse l'invocation qu'il veut. Qalat al-ulama hadha dalilun ala anna al-mar' له حينئذ أن يدعو بما شاء مما يتعلق بالدنيا أو الآخرة. Les savants disent ça, c'est une preuve qui montre que à ce moment-là, l'individu peut invoquer, il peut faire l'invocation qu'il veut parmi ce qui est lié à ce bas monde ou à l'au-delà. N'oubliez pas les invocations pendant la salat, barakallahu fikoum, c'est très important. On en a besoin. On en a besoin. Comme je le dis souvent, quand on tombe malade, le premier réflexe, c'est la carte vitale, elle est où? Alors que l'invocation est si proche. L'invocation est si simple. Et on oublie cette arme que nous avons avec nous. Le fait de demander à Rabbil Alamin, celui qui est capable de toutes choses. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.